Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. En 1974, Guy Dumur recevait sur France Culture Antoine Vitez pour parler de ses conceptions de la mise en scène et de l'enseignement de l'art dramatique. Cette année-là, Vitez montait à Chaillot Les Miracles à partir de sa propre traduction du grec de l'Évangile selon saint Jean et La Jalousie du Barbouillé de Molière au Théâtre des Quartiers d'Ivry, dont il était alors le directeur. À Ivry, Vitez dirigeait également l'atelier théâtral et depuis 68, il était professeur au conservatoire. Au micro de Guy Dumur, Antoine Vitez était en compagnie de deux de ses élèves, Nada Strancar et Christine Gagneux, et du très grand homme de théâtre que fut lui aussi, Bernard Dort. Bernard Dort, qui disait d'ailleurs dans cette émission sa réserve vis-à-vis de certains des spectacles de Vitez, notamment à propos des miracles, mais pour mieux souligner, en dépit de leurs divergences, l'importance du travail de Vitez dans son rapport au sens des textes dont il s'emparait. La saison théâtrale n'a pas encore commencé et nous n'avons au fond présent à la mémoire que le souvenir des festivals d'été. Mais enfin, cette saison va avoir lieu et probablement va apporter des changements ou du moins des confirmations dans le destin de certains hommes de théâtre. Et il y en a un en particulier que j'aurais voulu d'ailleurs amener plus tôt devant ce micro et interroger plus tôt parce qu'il a eu une année, la saison 73-74, extrêmement riche, extrêmement chargée. C'est le metteur en scène Antoine Vitez. Et il y a une autre actualité également qui désigne à l'attention des auditeurs Antoine Vitez. Ce sont, si je puis dire, les succès qu'il a remportés à la fin du mois de juin dernier au conservatoire. Ce problème du conservatoire est un très vaste problème que nous ne pourrons pas évidemment traiter dans son ensemble aujourd'hui, mais il me semble que la personne la plus indiquée pour en parler, c'est Antoine Vitez. En effet, Antoine Vitez, qui a été appelé au conservatoire d'art dramatique après 1968 par Pierre-Aimé Touchard, directeur du conservatoire, mais qui, vous le savez, vient de quitter justement le conservatoire, vient d'être appelé à la retraite. Donc Pierre-Aimé Touchard a fait appel à Antoine Vitez, avec d'ailleurs d'autres personnalités, un peu, si vous voulez, pour faire pièce, si on peut employer une expression un petit peu audacieuse, aux autres professeurs à l'enseignement traditionnel du conservatoire. Et alors, il y a toute une petite histoire autour de ces derniers concours, en ce sens que l'année précédente, Antoine Vitez avait présenté des élèves et il les avait présentés d'une certaine façon, c'est-à-dire que ses élèves ne ressemblaient pas aux autres élèves. Cela avait provoqué l'indignation du jury et l'indignation également de certains journalistes qui avaient protesté contre l'élimination des élèves de Vitez au second concours. Cette année, au mois de juin dernier donc, il y a eu un renversement de situation et au contraire, ce sont les élèves de Vitez, c'est-à-dire les élèves d'un franc-tireur, de quelqu'un qui est considéré au conservatoire par rapport à l'enseignement des autres professeurs comme un franc-tireur, ce sont ces élèves qui ont remporté presque tous les prix. Donc je crois que cela méritait de revenir à la fois sur l'enseignement de Vitez, et donc sur les problèmes du conservatoire, mais aussi sur les mises en scène de Vitez, sur la conception que Vitez a du théâtre. Autour de ce micro, nous avons réuni Antoine Vitez, bien entendu, deux de ses élèves, j'allais dire de ses disciples, qui ont remporté d'importantes récompenses à ce fameux concours du conservatoire et qui vont, je crois, continuer, ça vont nous le dire, à jouer avec Antoine Vitez. L'une, c'est Christine Gagneux et l'autre, Nadia Strancar. Et puis également Bernard Dort, que vous avez déjà entendu dans cette émission, qui est, si vous voulez, à mon sens, à mes yeux, je l'ai dit souvent ici, le meilleur spécialiste du théâtre que nous possédions en France et qui dirige l'Institut d'études théâtrales à la Sorbonne et qui donc est à une espèce de poste à la fois serein et passionné pour juger de l'évolution du théâtre contemporain, peut-être mieux qu'un critique comme moi ou comme d'autres ne pourrait le faire. Le monde ne s'efface, le monde ne s'efface, le monde ne s'efface. Antoine Vitesse, vous avez entendu tout ce que j'ai dit. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser ou contredire ce que je viens de dire par rapport à votre position, votre situation au Conservatoire d'art dramatique ? Je vais d'abord préciser quelque chose qui n'a pas de rapport. C'est un petit point, je crois, auquel l'intéressé est très sensible. C'est que il s'agit de Nada et non Nadia Stroka. Oh, Nada, excusez-moi, oui, c'est vrai. Elle est slovène et non russe. Voilà, après cet hommage à la Yougoslavie. Ce sont les préoccupations linguistiques d'Antoine Vitesse qui parle. Et voilà, alors là-dessus, on peut accrocher beaucoup de choses sur la linguistique. Et vous savez que Nada, ça veut dire l'espoir. C'est un mot étonnant. Et non que... pas rien comme oui, en espagnol. Oui, oui, c'est ça, espagnol. C'est tout à fait admirable. Bon, mais alors cela dit, non, je ne peux pas tellement infirmer ou confirmer ce que vous avez dit. D'abord, évidemment, je suis tout à fait touché de ce que vous venez de dire, et je le dis sincèrement. Il faut dire aussi, et là je voudrais également le dire très sincèrement et sans modestie ni immodestie, en mettant ces deux choses-là à part, c'est qu'il est vrai que si les élèves avec qui j'ai travaillé, qui ne sont plus des élèves maintenant, et qui au fond n'ont peut-être jamais été au sens propre des élèves, car j'aimerais bien m'expliquer sur cette notion de pédagogie et cette notion d'élève, Si donc les personnes avec qui j'ai travaillé ont remporté des succès, tant auprès de l'opinion publique qu'auprès du jury du conservatoire, qui est une espèce d'opinion publique déformée et particulière, c'est évidemment pas seulement à moi que c'est dû, mais à eux, à elles, enfin. Et quand je le dis, c'est vraiment pas comme on le dit d'habitude, parce qu'on dit toujours comme ça, mais parce qu'il s'agit là d'une conception même de l'enseignement, une conception que je me fais de l'enseignement, et qui est, enfin de l'enseignement de l'art en particulier, et qui est que justement il n'y a pas tellement d'enseignement de l'art, mais il y a l'effort de ma part de faire gagner du temps à des gens, et de leur permettre plus vite qu'elles n'auraient pu le faire, je dis elles, puisque elles sont... l'une et l'autre, Christine et Nada, et plus vite peut-être qu'elle ne l'aurait fait, plus vite qu'elle n'aurait pu le faire, et peut-être plus vite que le temps ne leur aurait permis, c'est-à-dire peut-être qu'au fond, dans certains cas, le temps passe et puis on n'a jamais la possibilité de s'exprimer, donc plus vite de s'exprimer et de faire ce qu'elles auraient alors, dû faire. Dans ce que vous venez de dire, il y a quand même une pétition de principe. Puisque, d'abord, évidemment, je comprends très bien que quand vous rendez hommage, en quelque sorte, au travail de vos élèves, de vos disciples, appelez-les comme on voudra, ça veut dire qu'ils vous ont choisi, que ces jeunes gens et ces jeunes filles vous ont choisi, et donc ils n'ont pas choisi l'enseignement traditionnel du conservatoire. Mmh. Et d'autre part, quand vous dites ma principale préoccupation est de les faire aller plus vite, de gagner du temps, malgré tout, dans cette simple phrase... Il est évident que vous vous opposez à ce que l'on fait, ce que les autres, vos confrères, vos collègues du conservatoire peuvent faire. Alors donc, je voudrais quand même... Je m'oppose implicitement, pour le public, là, que vous disiez un peu quelle est la différence. Je cherche à ne pas installer les élèves, alors je parle des élèves ici, des gens qui se présentent vraiment en tant qu'élèves au début d'une année scolaire. Je cherche à ne pas les installer dans la situation... du rapport pédagogique habituel, qui est en fait une situation un peu de malade. Comme j'ai en face de moi la Bernard Dort, je ne suis pas sûr que ce que je dis convienne à toutes les formes d'enseignement. Et non, mais c'est vrai, je ne suis pas sûr que ça convienne à l'enseignement de la médecine, par exemple, ou à l'enseignement de la littérature. Mais je parle ici d'un enseignement particulier qui est l'enseignement d'un art, ici. Eh bien, je pense que le rapport pédagogique... très traditionnellement utilisé en matière d'art dramatique en particulier, c'est de considérer l'élève, celui qui arrive, un petit peu comme un malade, à qui il manquerait un certain nombre de choses, quelqu'un qui serait plutôt un infirme qu'un malade, enfin, quelqu'un qu'il faudrait en quelque sorte soigner. Et alors, le maître, enfin le professeur, est un genre de thérapeute qui vient là pour corriger une diction qui n'est pas bonne, par définition, quand on arrive, elle n'est pas bonne, une manière de se tenir qui n'est pas bonne non plus, et alors on corrige, on redresse, on améliore, et naturellement on normalise, enfin on fait entrer les gens par ce système dans un moule qui est d'ailleurs même pas reconnu comme tel, mais qui est implicite, enfin qui est d'un certain moule de l'acteur tel qu'il doit être, et qui doit parler la langue de scène. De la même manière, les rôles sont imaginés comme également des moules ayant des contours, quelquefois assez vastes, mais enfin des contours définis, quand même. Des contours. Oui. Ils existent en eux-mêmes, ce sont des schémas qui existent, enfin les rôles, et le travail du professeur avec, je prends l'exemple ici, j'ai Christine Gagneux à côté de moi, Nada Stranka un tout petit peu plus loin, je pense que ni l'une ni l'autre ne peut avoir jamais aucune chance d'entrer dans le schéma. Dans le schéma, je dirais, dans cette espèce de contreplaqué découpé qu'est le rôle de Célimène. Par exemple, ça ne leur va à aucune des deux. Eh bien moi, je pars naturellement du point de vue inverse. Bon, mais nous allons leur demander justement, à l'une et à l'autre, pourquoi, quand vous êtes entrée au conservatoire, avez-vous choisi Antoine Vitez comme professeur, les cours d'Antoine Vitez? Et comment avez-vous osé, puisque au fond Antoine Vitez était précédé d'une fâcheuse réputation, une très très bonne réputation sur le plan du théâtre, bien entendu, mais sur le plan de cet enseignement officiel, de cet enseignement formaliste dont il vient de parler, vous couriez un risque tout de même. Alors ce risque, donc, vous avez accepté de le courir. Et est-ce que vous pouvez me répondre l'une et l'autre, enfin l'une après l'autre si possible, pourquoi vous avez choisi l'enseignement de vitesse? Moi, je crois que Christine Gagneux. Nada et moi avons à peu près la même démarche. Nous sommes au conservatoire choisi par un jury qui nous a imposé une classe, puisque c'est les professeurs qui choisissent par ordre d'ancienneté, ah je oui, crois. Oui. Et Nada a été choisie par M. Chamara, moi par M. Seigné. Nous avons passé notre première année dans une classe où on nous a mis dans ce moule dont parlait Antoine, vraiment. Pour mon cas personnel, c'était la tragédienne. On m'avait dit que j'avais des moyens de tragédienne, bien que je n'en avais pas le physique. Et peut-être qu'une fois guérie, j'arriverai à, effectivement, à devenir une grande tragédienne. Ne soyons pas tout de même trop méchants. Vous avez appris des choses quand même pendant cette année-là. Oui, j'ai appris des choses. J'ai appris ce que je ne voulais pas faire, je crois. Et vous, Nada Stranka? C'est un peu pareil, dans la mesure où... Bon, moi, le moule, c'était pas le moule de la tragédienne, c'était le moule d'Anne Pluche, d'Élise, c'est-à-dire tous les rôles de composition. Et puis là aussi, c'est pareil, moi, j'ai appris ce que je ne voulais pas faire. Mais c'est une question qui, moi, m'étonne un petit peu et qui va, je pense, étonner aussi nos auditeurs. Entrant au conservatoire, on vous forçait donc à choisir des rôles, même si vous ne sentiez pas ces rôles. On vous forçait à travailler dans des personnages que vous ne sentiez pas. On ne nous forçait pas, mais... Mais vu le respect, pense, vu le respect que l'on devait au professeur, je crois que ça revenait au même. Il savait que ce qu'on devait faire, parce que nous ne le savions pas en entrant. Ça rentre dans le cadre des emplois. Oui, c'est ça. En fait, on rentre pour un emploi déterminé et puis pas pour autre chose. Alors, finalement, comme au conservatoire, on ne travaille que pour les examens et qu'on n'a pas tellement le temps d'expérimenter d'autres choses... Eh bien, on travaillait finalement que des choses comme ça. Bernard Dorp, oui, ça, justement, dans le cadre d'un cours, enfin d'un séminaire sur l'acteur, et particulièrement sur la formation de l'acteur que j'avais fait à l'Institut d'études théâtrales, des étudiants avaient travaillé justement sur le conservatoire, et en particulier, il y avait même un étudiant qui était, chose rare d'ailleurs parmi les étudiants de la Sorbonne ou de l'ex-Sorbonne, qui était un ancien élève du conservatoire. Et alors, il avait décrit assez bien, presque quasi sociologiquement, son parcours de comédien, ce qu'il avait fait avant d'entrer au conservatoire, les scènes qu'il avait jouées, les rôles qu'il avait joués au conservatoire et ce qu'il avait joué au concours du conservatoire. Et on voyait à ce moment-là qu'il avait au fond joué deux personnages, c'est tout. Deux personnages et qu'il allait, d'ailleurs, dans sa perspective, il allait faire la même chose toute sa vie. Enfin, c'était l'ancien conservatoire, mais je crois que ça garde encore un peu de ça. Enfin. Et je crois qu'il faut dire aussi peut-être même que ça n'est pas seulement... un rôle ou un emploi, enfin, qu'on exige dans le conservatoire traditionnel, mais c'est une scène. La notion de scène me paraît une scène. J'ai connu un exemple d'une petite actrice que j'ai beaucoup aimée, d'ailleurs, qui s'appelait Christine Lausanne, qui a joué chez Jean-Louis Barrault, vous savez, dans la dernière journée du Soulier de Satin, donna cette épée, n'est-ce pas? Eh bien, elle avait passé 2 ou 3 ans au conservatoire à ne jouer que cette scène. Elle n'avait jamais appris que cette scène, alors c'était merveilleux puisqu'elle a pu la jouer, mais depuis, elle n'a rien joué d'autre, n'est-ce pas? Elle n'avait vraiment travaillé jamais que cette scène. Et c'est assez impressionnant. Mais alors, pour revenir, donc, on va évoquer cette première année, cette espèce de choix un peu contraignant que vous avez dû subir. Et alors, ensuite, vous avez rencontré Christine Gagneux et Nada Stranka, vous avez rencontré Vitesse. Oui, on est allés toutes les deux dans le cours, assister aux classes, parce que c'est la seule classe en plus où on peut rentrer facilement et assister comme ça, tranquillement dans un coin, et même y participer parfois. Ça m'était arrivé, je crois, une fois en première année. Et la deuxième année, on demande un changement et on est entré dans la classe. Mais aussi, je me demande pourquoi on entre au conservatoire. Je veux dire, moi, j'ai hésité très longtemps à y rentrer parce que je savais un peu ça. Je savais qu'on m'imposerait des choix et c'est en fait, je ne pouvais peut-être pas les prendre moi-même. Et j'ai réalisé qu'en entrant chez Antoine, j'arrivais peut-être à faire moi-même mon choix. Est-ce que parmi vos amis du conservatoire, est-ce que vous êtes très très nombreux à vouloir aller chez Vitesse? Est-ce que, par exemple, j'ai été frappé au concours du mois de juin dernier des applaudissements qui ont salué, des applaudissements frénétiques venant de la part des jeunes qui ont salué vos prestations, enfin, à chacune d'entre vous. Et il semblait qu'il y avait une espèce d'enthousiasme, justement, pour cette espèce de libération que représentait l'enseignement de Vitesse. Je crois qu'il devait y avoir 2 genres d'applaudissements. Il devait y avoir les gens qui veulent entrer chez Antoine depuis qu'ils sont comme nous, conservatoires, qui n'y sont pas forcément dans les mêmes cas que nous, et ceux qui envient quelque chose chez nous, qui ont senti qu'on avait quand même trouvé une forme de liberté, un apprentissage au moins de la liberté de comédien, et qui nous envient ça, qui n'osent pas, qui craignent des choses étonnantes, qui craignent la personnalité d'Antoine, qui craignent des partis pris trop violents, qu'ils croient trop violents pour eux, enfin, une espèce de crainte comme ça. Mais il y a sûrement beaucoup de gens qui souhaitent... Il y avait non seulement, dans ce que vous avez fait, non seulement une espèce de présentation d'acteurs, puisque c'est cela en principe que l'on juge au concours du conservatoire, mais il y avait également une mise en scène. Alors que dans les autres scènes, quand un autre professeur présente un élève ou une élève, il y a un minimum de mise en scène, et c'est seulement l'acteur qui est mis en valeur selon des canons qu'il faudrait définir, selon toute une thématique du théâtre, qui est plutôt d'ailleurs, qui ressemble plus, il me semble, au théâtre du boulevard qu'à n'importe quoi d'autre. Et au contraire, avec Vitesse, non seulement il vous fait jouer selon votre propre nature, mais il propose également une mise en scène qui peut choquer énormément de gens dans la mesure où elle est quelquefois très provocante. Je pense à vous, par exemple, Christine Gagneux, dans le rôle de la Célestine. On pouvait pousser des hurlements, ou par exemple la scène d'Atali, des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Mais au concours 73, je me rappelle avoir beaucoup plus subi la mise en scène d'Antoine, c'est vrai. C'était peut-être quelque chose qui n'était pas encore vraiment assumé. Et à ce concours 74, comme dit Antoine, j'ai eu l'impression d'être grande assez. J'ai été très aidée par Antoine, beaucoup même dans certaines scènes, mais j'ai l'impression maintenant de pouvoir presque faire des choses seule. Grande assez, je veux simplement préciser que être grande assez, c'est un belgicisme. C'est une citation dans mon langage courant, une citation de Pierre de Beauce. Non, mais c'est intéressant. Si tu es grande assez, j'imite Pierre de Beauce, et par conséquent, c'est un hommage que je lui rends. La mise en scène est quand même indissociable, enfin, des qualités d'acteur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent vous dire « Oui, mais enfin, tout ça, ça vaut pas la peine. Pourquoi ne pas prendre le texte, le dire, ça serait aussi bien ?» Et en fait, enfin, pour moi, c'est pas vrai. Les deux choses sont complètement indissociables. Enfin, c'est bien parce qu'il y a une mise en scène, parce qu'il y a un parti pris, parce que je l'ai fait comme ça et non pas autrement. Et vous avez senti, avec Antoine Vitesse, j'imagine, à propos de ce qu'il disait au début, une espèce de dialectique, enfin, si je puis dire, de réciprocité entre votre travail et son travail. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas imposer une mise en scène, mais que vous la recherchez avec lui, en quelque sorte. Oui, parce qu'il travaille, enfin, il travaille avec les élèves comme avec des acteurs, et non pas comme avec des gens qui ont tout à apprendre et qui ne savent rien. Il travaille, enfin, sur nous. Est-ce que tout de même, une dernière question pour... En terminer, si on peut dire, avec cette première partie, est-ce que tout de même, vous ne représentez pas, déjà au départ, quand vous êtes entré au conservatoire, un certain type, je n'allais pas dire de comédien, mais même d'humanité, c'est-à-dire plus évolué? Est-ce que, par exemple, les jeunes gens, les jeunes filles qui peuvent aller au conservatoire, qui sont peut-être plus bourgeois, qui ont... Il me semble que la façon dont vous parlez de ces choses montre que vous y avez réfléchi d'une certaine manière, que vous étiez en quelque sorte un peu constitutivement destiné à faire un certain théâtre plutôt qu'un autre, non ? Enfin, pour moi, je sais que c'est pas vrai, enfin... Est-ce que vous auriez pu indifféremment, par exemple, vous destiner au théâtre de boulevard ? Non, je n'aurais pas pu, mais quand je suis rentrée au conservatoire, je ne savais pas encore que je ne pouvais pas, enfin, bon... Enfin, pas vraiment, pas consciemment, finalement. Et vous, Christine ? Moi, ça a été 3 ans, j'ai appris à réfléchir à tout ça. Ah bon, donc le conservatoire n'a pas été... Pas du tout vain, au contraire. Bernard Dor. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire quand même que, pour l'instant, on en est un peu à une sorte de demi-mesure, en quelque sorte. Au conservatoire. Ah, oui, aussi, enfin, dans le système, je ne parle pas seulement quant à l'ensemble des enseignants, mais est-ce que cette notion même de concours, de sortie du conservatoire, le travail de quelqu'un comme Vitez, avec vous, enfin, ne devrait pas la faire éclater cette notion, parce que justement on reste quand même dans le cadre, dans un certain cadre, enfin, et comme vous le disiez aussi, si le jeu de l'acteur, comme je le crois profondément, est totalement indissociable de la mise en scène, c'est la même chose, enfin c'est profondément la même chose, à ce moment-là évidemment la notion même comme ça d'un acteur qui passe la scène et de l'autre qui lui répond quand même est totalement absurde. Oui, d'autant plus que l'on voit d'ailleurs dans les parties, enfin, moins intéressantes peut-être de certains concours, c'est que la réplique est plus intéressante que le comédien lui-même, n'est-ce pas? Alors là, il y a quelque chose de très faussé. Mais enfin, je pense que le conservatoire, malgré tout, disons-le, puisque l'année va recommencer maintenant, a franchi un premier pas, puisque les efforts de Vitez et de ses comédiens ont été récompensés, et que donc, sous une nouvelle direction, on peut imaginer tout de même une réforme beaucoup plus profonde, et je crois que tout fond, tous les élèves la souhaitent. Quoique je me suis laissé dire que la majorité des élèves souhaitaient ce concours, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas autre chose, mais souhaitaient ce concours est tel qu'il est, qui tenait un peu à leur exhibition personnelle. Vous savez, il y a un phénomène qui est presque un phénomène politique, qui est que, à force de parler de cela et d'être finalement un petit peu entre nous, on oublie la majorité silencieuse, si j'ose dire. Oui. C'est un peu dangereux, il ne faut pas l'oublier. Et d'un autre côté, en ce qui concerne le concours, en effet, je ne me lasserai pas de répéter mon hostilité à l'égard du concours, sur laquelle je veux un petit peu m'expliquer. Le concours du conservatoire, c'est la fin du conservatoire. C'est la fin dans le sens que c'en est le but, dans l'état des choses jusqu'à juin 1974. Disons que le conservatoire avait... Traditionnellement, je dirais l'ancien conservatoire, maintenant ceci est déjà en juin 1974, terriblement vermoulu, mais enfin, avait deux fins. Il avait une première fin qui était le concours et une deuxième super fin qui était la comédie française, c'est-à-dire qu'en réalité, les gens n'étaient admis au conservatoire et n'étaient primés au concours du conservatoire qu'en fonction, non pas tant de canons et de clichés, comme on le disait tout à l'heure, mais qu'en fonction purement et simplement, ça c'était déjà un peu mort en juin 1974, mais enfin, qu'en fonction des besoins de la comédie française, c'est-à-dire des besoins en emploi de la comédie française. C'était une chose qui était d'ailleurs considérée comme tout à fait normale, je me rappelle de conversations, je peux le rappeler sans dire de mal de personne, de conversations il y a encore 4 ans, avec, je me rappelle, M. Chamara, par exemple, enfin, c'était une chose qui lui semblait tout à fait normale. Enfin, c'était pour lui le but, la fonction du conservatoire, c'est-à-dire d'être la pépinière ou le vivier. Oui, une école de recrutement. Une école de recrutement, comme une école militaire, exactement. Si vous me permettez de vous interrompre, ce qui est un peu absurde, étant donné que la comédie française n'a pas la capacité d'engager, que nous avons d'engager beaucoup d'élèves, et puis surtout que nous avons assisté au cours de ces dernières années à la multiplication de théâtres subventionnés qui, au fond, ce qui dépendent de l'État, comme l'enseignement du conservatoire dépend de l'État, et qui ont autant droit que la comédie française à recevoir des acteurs et des acteurs ayant une certaine formation. Bien et là, il y a une espèce de scandale, ou du moins jusqu'à présent, il y avait une espèce de scandale que l'on pense seulement à fournir à la comédie française, alors qu'il y a dans toute la France du TNP, de Lyon, de Lyon, le scandale. C'est l'école la moins productive de France, le conservatoire, de ce point de vue-là. Oui. On peut calculer qu'il y a sur 400 personnes qui se présentent au concours d'entrée, enfin, il y en a deux ou trois qui auront véritablement un emploi, enfin, qui se révéleront aptes au service à la langue française. Donc, un conseil pratique pour la jeunesse qui veut faire du théâtre, c'est beaucoup plus difficile de réussir au théâtre que d'entrer à Polytechnique ou à l'ENA. Ou à Normale supérieure, c'est infiniment plus difficile. Ça, c'est je veux dire que le scandale, si vous voulez, la contradiction est en réalité une bonne contradiction maintenant, parce que maintenant il est patent que le conservatoire n'est plus l'école de la comédie française, que la comédie française n'est plus le seul vrai théâtre national, qu'il y a beaucoup d'autres théâtres, enfin il y a le théâtre, il y a l'univers entier du théâtre, du cinéma, enfin de tout ce que peuvent faire les acteurs. Et alors, à mon avis, ça transforme par la tête, enfin par la fin, par sa fin, le conservatoire en ce qu'il devrait être, ce qu'il y a de comparable dans des pays étrangers, enfin, c'est-à-dire une école nationale supérieure du théâtre, destinée à l'ensemble du théâtre, y compris bien sûr à la Comédie Française, puisque c'est un des théâtres qui existe en France. Et il faut dire aussi, parce que nous l'oublions un peu, parce que ça n'existe plus maintenant finalement, mais c'est le théâtre de boulevard. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait que d'une école nationale supérieure sortent des gens pour l'ensemble du show business, si vous voulez. Parlons en termes de commerce, sinon en termes de morale. Mais enfin, Antoine Vitez, vous n'êtes pas seulement professeur au conservatoire, et je crois que vous êtes un pédagogue né, et que la mise en scène, pour vous, le théâtre, est une recherche constante, et recherche à la fois pédagogique et en même temps, je crois, beaucoup plus large. Et vous avez fait cette année un certain nombre de mises en scène, et de mises en scène qui tout de même ont posé des problèmes aux critiques que je suis, que nous sommes, au public, et je songe en particulier à vos miracles. Les miracles qui est certainement, pour moi en tout cas, le spectacle le plus difficile que j'ai vu dans ma vie. Cela dit, ça ne veut rien dire, peut-être que Bernard Dort, par exemple, n'est pas du tout de mon avis, mais je pense que vous posez, chaque fois que vous faites une mise en scène, vous posez aux spectateurs, et même aux spectateurs les plus avertis, quand je dis les plus avertis, je veux dire simplement les plus habitués à aller au théâtre, parce que je ne veux pas dire autre chose, je ne pense pas que je puisse juger mieux qu'un autre, simplement j'ai vu plus de spectacles que d'autres par profession. Et ça pose tout de même des problèmes qu'il n'est pas facile de résoudre. Donc je pense que quand même, vous ne me contredirez pas là-dessus, qu'en matière de théâtre, en matière de mise en scène, qu'il s'agisse de classiques, qu'il s'agisse de vos anciens spectacles comme Andromaque, comme Électre, ou récemment comme Les Miracles, ou La Jalousie du Barbouillé de Molière, que tout de même vous choisissez la difficulté. Et une certaine difficulté qui est, je crois, qui n'est pas en même temps, qui ne correspond pas à une provocation, vous n'êtes pas un provocateur, que vous faites un travail extrêmement sérieux, je crois, extrêmement profond, mais qui aboutit souvent à des difficultés de compréhension entre le spectateur et votre mise en scène. Alors j'aimerais que vous me disiez un petit peu, si vous êtes capable de le dire, comme ça c'est un peu difficile, mais rapidement, comme ça, ce qu'est pour vous la mise en scène. La mise en scène, je crois que c'est précisément le travail sur la difficulté, c'est-à-dire, il me semble que la mise en scène ne peut pas être une illustration d'un texte. Je dis cela parce que beaucoup de metteurs en scène, de bonne foi ou inconsciemment de mauvaise foi, ou tout à fait de mauvaise foi, se disent que la mise en scène doit être une illustration du texte. De la même manière, Nada Strancar tout à l'heure disait qu'il ne peut pas y avoir d'acteur sans mise en scène de l'acteur. De la même manière, il ne peut pas y avoir de texte sans mise en scène du texte au théâtre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de mise en scène zéro du texte, de mise en scène neutre et pure du texte. Je pense par exemple à un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du théâtre français, je pense à Louis Jouvet, dont j'ai vraiment la chance d'avoir vu, étant tout jeune, beaucoup de spectacles. Et c'était des spectacles dont l'originalité quant à la mise en scène était évidente, était absolument éclatante, ne serait-ce que par exemple le souci qu'il avait de l'éclairage constant, le souci qu'il avait de ce passage, je pense à l'école des femmes, de ce passage de la farce au naturalisme perpétuellement, enfin du jeu farcesque au jeu naturaliste. Il y avait là une conception de la mise en scène et une recherche sur l'œuvre qui était extrêmement profonde. Or quand on l'interrogeait sur la mise en scène, il répondait avec une mauvaise foi, je pense inconsciente, il répondait la mise en scène ça ne m'intéresse pas, je monte la pièce telle qu'elle est écrite. C'est-à-dire qu'il répondait exactement comme le font les gens les plus réactionnaires, les plus obscurantistes de notre métier. Et je pense qu'il croyait faire simplement de l'illustration, ne se rendant pas compte qu'il s'agissait de bien d'autres choses que d'illustrer un texte. Vous me dites que mes spectacles sont des spectacles difficiles. Bon, c'est difficile, oui, évidemment. Quand même pas absolument toujours. Et c'est non, curieux. Mais je ne peux pas dire. La difficulté, il me semble, a cru avec les années. Oui. Bernard Dorsur, moi. Je ne sais pas si le mot difficile est le mot très juste. Moi-même, d'ailleurs, j'ai une attitude réservée vis-à-vis de quelques spectacles d'Antoine. Enfin, par exemple, Les Miracles, en effet, le dernier spectacle m'a. Comment dire aussi, c'est difficile de trouver le mot exact, ça n'est pas déçu d'ailleurs, ça n'est pas non plus à proprement parler ennuyé, puisque quoi qu'il y ait eu un peu de ça, enfin, m'a peut-être déconcerté aussi. Disons qu'il me semble que ce qui est fondamental quand même dans la démarche de Vitesse, et ce qui le différencie dans une certaine mesure d'autres metteurs en scène, c'est que beaucoup de metteurs en scène essaient de refermer le spectacle sur un sens. C'est-à-dire que souvent d'ailleurs, avec la mauvaise foi dont Antoine Vitesse vient de parler, enfin, ils essaient de refermer ça sur le soi-disant sens du texte, une sorte de sens sacro-saint qui existerait indépendamment et avant tout spectacle. Cher Bernard Dorsur, sous même ce sens du texte, vous l'avez souvent défendu vous-même dans vos articles ou dans vos livres. Non, je crois que, d'ailleurs j'ai écrit très peu sur les textes, enfin. J'ai essayé de défendre des sens de représentation un certain système de sens entre le texte et la représentation. À l'époque où vous étiez docteur S. Brecht, chaque fois qu'il y avait une représentation de Brecht qui vous déplaisait, vous... D'ailleurs, j'ai eu une petite polémique avec Vitesse là-dessus, puisque Vitesse a monté Brecht aussi, puisqu'il a monté Mère Courage, qui est une représentation que j'ai un peu critiquée, d'ailleurs. Voilà un bon exemple, justement. Mais j'ai essayé, j'ai peut-être pas réussi d'ailleurs, mais j'ai essayé de la critiquer, non pas parce que Vitesse n'aurait pas été fidèle à une soi-disant esprit ou lettre orthodoxie brechtienne, c'est pas ça, mais parce que il me semble, j'ai peut-être tort, il me semble justement qu'il n'a pas été assez infidèle, ou du moins que son infidélité n'allait pas dans le sens du système de fonctionnement du texte brechtien. J'entends par là qu'il me semble que chez Brecht aussi, et en ce sens aussi, Vitesse est un peu un successeur, c'est aussi un héritier de Brecht, il a été influencé par Brecht, il n'y a pas de doute. Je crois que chez Brecht aussi, il y a cet appel à l'ouverture du sens, etc., mais ça n'est pas dans n'importe quelle direction chez Brecht. Et chez Brecht, il n'y a pas une tentation qu'il y a peut-être chez Vitesse, enfin, c'est là d'ailleurs peut-être que je diverge un peu, c'est une tentation de l'annulation de tout sens, de suspension de tout sens. C'est un petit peu ce que je reproche au Miracle, moi, quant à moi, enfin, c'est sur un texte qui est aussi investi par l'idéologie, enfin, puisque c'est le texte de l'Évangile selon saint Jean, l'idéologie chrétienne, enfin, Vitesse a pris ce texte et a voulu le lire naïvement, a voulu le lire dans, comme si il ne nous imprégnait pas déjà, alors que je crois que ça, c'est pas possible sur un texte comme ça. En revanche, c'est possible sur des textes littéraires que nous connaissons beaucoup moins. Le travail que Vitesse avait fait sur Faust, de ce point de vue, est extraordinaire. Je reviens à ce que je voulais dire, enfin, et ce qui me paraît fondamental chez Vitesse, c'est l'espèce d'ouverture du sens à laquelle il procède. Il essaie de mettre à plat les significations d'une œuvre et qui sont toutes dans l'œuvre d'ailleurs. Parce que ce qui est faux, je crois, et que l'on reproche parfois à Vitez, il a eu une sorte de débat aussi avec Pierre Dux là-dessus, enfin, c'est que je crois que Vitez est extrêmement fidèle à la lettre, il l'est scrupuleusement. Vitez est un littéral littéraire, enfin. Et seulement, il essaie de montrer que dans un même texte, des significations tout à fait différentes peuvent coexister et de les concrétiser sur scène. Je sais pas je me rappelle au moment du Faust de Goethe qu'il avait monté d'une façon évidemment très étrange. C'est un spectacle que j'avais beaucoup aimé et où j'avais tout de suite ce qui m'était venu à l'esprit, c'est la comparaison entre une mise en scène de Vitez et le structuralisme de notre époque. Il m'avait semblé que l'effort de Vitez, d'explication au fond du texte, un texte comme Faust, ou dans d'autres pièces, d'ailleurs aussi dans Mère Courage peut-être, mais surtout dans Faust, c'était très frappant, correspondait un peu à l'explication structuraliste. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, nous avons une étudiante et amie commune, Vitez et moi, Denise Biscos, qui fait un travail, une thèse sous ma direction, sur le travail de Vitez sur les classiques, et ça va exactement dans ce sens-là. Tout à l'heure, vous m'avez suggéré une question comme ça qui m'est venue à l'esprit. Je voudrais poser à Vitez une question un petit peu, qui va juger un petit peu brutale. Vous avez dit tout à l'heure, et il a approuvé, ah ben oui, mais Vitez d'ailleurs a été influencé par Brecht, etc. Et moi, ce qui me frappe chez Vitez, c'est que c'est un metteur en scène complètement original. Je veux dire que c'est très difficile pour moi de retrouver, quand je vois une de ses mises en scène, surtout ses dernières mises en scène, de retrouver les influences, justement. Et je voudrais demander à Vitez qui il a influencé ou qui il a admiré. Vous avez cité Jouvet. Ah oui, mais je peux dire, chronologiquement, évidemment, c'est lointain, Jouvet. C'est plutôt le souvenir me revient maintenant. C'est ça. Des mises en scène de Jouvet. Mais chronologiquement, j'ai été énormément influencé par Villard. Je pense que le goût de la mise en scène, l'idée même de la mise en scène, m'est venue en voyant les spectacles de Villard. Mais je parle de Villard il y a très longtemps. Je pense que le spectacle qui a eu sur moi, le spectacle de Villard que j'ai le plus aimé, de tous les spectacles de Villard, et qui avait provoqué, je me rappelle très très bien les circonstances, enfin, qui avait provoqué en moi le désir de la mise en scène et la révélation aussi de la mise en scène fondée sur l'acteur. La mise en scène fondée uniquement sur la présence de l'acteur, c'était le prince de Hombourg sur le noir, comme vous savez, les gouaches peintes sur noir. Enfin, à propos de Villard, je peux le dire, c'est Aragon qui m'avait fait un jour cette remarque, qui était d'ailleurs dans son esprit alors, peut-être ne serait-ce plus maintenant, mais qui était dans son esprit alors désobligeante à l'égard de Villard, et qui était précisément moi ce que j'aimais. Il disait que les personnages de Villard lui semblaient comme des linges de couleur pendus sur une corde à linge. Ouais, c'est une magnifique image des spectacles de Villard. Et lui, il disait que ça l'énervait, et qu'il aimait bien savoir ce qui se passait des deux côtés de la corde à linge. C'est-à-dire que c'était une revendication réaliste, finalement, qu'il opposait à Villard. Et moi, ce que j'aimais, c'était précisément cette corde à linge du spectacle de Villard, c'est-à-dire de ces linges qui flottent au vent sur la corde à linge. C'est une image très forte, enfin, qui me représente tellement bien le prince de Hombourg, où il y avait ces personnages qui sont les acteurs seulement, dans le noir et sur le fond noir d'Avignon. C'est là que je l'ai vu pour la première fois, vous voyez que ce n'est pas d'hier. Ensuite, évidemment, Brecht. Mais à ce sujet, justement, je pense que Brecht a une double postérité, en gros, enfin, finalement, il me semble, a une double postérité dans le théâtre contemporain, chez les hommes de théâtre contemporain, une postérité qui s'est constituée à partir de, je dirais, l'aspect sociologique. Admiration pour Brecht a été prise par les uns, comme sur ce plan-là, le goût de la recherche. Alors, je dis pas ça en mauvaise part, enfin, de la recherche exaspérée du mécanisme des contradictions, à la fois les contradictions psychologiques, les contradictions psychosociologiques, voilà, et les contradictions de classe. Donc il y a toute une école de la mise en scène, enfin, dont on voit bien qu'elle est issue de cela. Je pense que même lointainement, les spectacles de Jean-Paul Roussillon à la Comédie Française, par exemple, sont très lointainement issus de la tradition sociologisante. À travers Planchon. C'est pour ça que je disais lointainement, qui est issue du à travers Planchon. Voilà. Et puis alors, mais il y a une autre postérité, peut-être, de Brecht, dont il me semble que je fais partie, à laquelle je me rattache, et qui serait ce que Brecht lui-même héritait du théâtre chinois, héritait du théâtre japonais, c'est-à-dire, je dirais, le point de vue de Brecht sur la théorie du théâtre, sur la théorie de la représentation. Par exemple, quand j'ai vu un spectacle comme La mère d'après Gorky, enfin, qui était encore joué, qui était le dernier spectacle joué par Hélène Weigel ici chez nous, enfin, à Nanterre, eh bien, quand j'ai vu ça, j'ai vu encore, bien que ce fût un spectacle de répertoire, à mon avis déjà très très abîmé, très usé, mais enfin, on voyait encore quelque chose qui était l'essence de la mise en scène brechtienne, c'est-à-dire un jeu qui est une représentation, qui se donne comme une représentation, qui ne se veut pas une vérité, enfin, pas pour la vérité plutôt, du monde. C'est plutôt à cette seconde postérité que vous vous rattachez. Oui, c'est ça, oui. Au théâtre, vu comme théâtre, montré comme théâtre, et où la recherche du plaisir chez le spectateur est également dans la recherche du plaisir des acteurs à montrer comment ils jouent. Là, vous avez cité de grands ancêtres, si je puis dire, mais entre Villard, Brecht, Jouvet plus lointainement, il s'est passé aussi quand même beaucoup de choses. Et quand même, les spectacles que vous présentez, me semble-t-il, à la différence de tous ceux que vous venez de citer, y compris Brecht, sont des spectacles éclatés, où ce mécanisme que vous venez d'évoquer, vous le montrez en tant que tel, il me semble, non ? Oui. Alors cela, d'où cela vient-il ? Est-ce que ça vous est venu par déduction des auteurs ou des metteurs en scène dont vous venez de parler ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans notre époque, et ça me semble, enfin la vérité, enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans notre époque qui vous a incité à aller plus loin quand même ? Parce que vous êtes allé beaucoup plus loin que tous ces metteurs en scène que vous venez de citer. Oui, je pense. Je pense que vous avez raison. Oui, mais c'est une évolution générale. Oui, c'est peut-être une évolution générale, mais dans l'expérience, dans le chemin de vitesse, est-ce que justement sa pratique pédagogique n'a pas été très importante ? La pratique pédagogique a été tout à fait importante pour moi. Il y a aussi une chose, le fait que je me suis mis à faire de la mise en scène très tardivement dans la vie. C'est-à-dire, et ça, je crois que c'est probablement un fait personnel, tout à fait personnel, qui est un peu important. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour prendre un exemple, je crois que j'ai exactement le même âge que Planchon. Or, j'ai commencé en 1966-67, enfin, à monter le spectacle, alors que lui travaillait déjà depuis très longtemps. Donc, il y a à la fois un retard et un avantage, si oui, vous voulez, mais c'est tout à fait relatif, ouais. Naturellement, tout ça s'annule. Mais dites-moi, il y a longtemps que nous n'avons pas entendu nos amis Christine Gagneux et Nada Strancard, et nous devons leur faire figure d'ancêtre avec tout ce passé que nous évoquons. Alors, pour vous, quelle est la vision du théâtre, par exemple ? Est-ce que Villard, ça vous dit quelque chose ? Qu'est-ce que vous aimez dans le théâtre ? Comment vous voyez le théâtre ? Parce que vous êtes forcément très différent de nous, qui sommes passés par des expériences, parce que les trois personnes qui sont ici, qu'il s'agisse d'Antoine Vitesse, de Bernard Dort ou de moi-même, tous les gens dont nous avons parlé, finalement, nous avons 25, 30 ans de théâtre derrière nous, et nous avons vu cette évolution. Vous arrivez à un certain stade, à un certain moment du théâtre, et ça doit être tout à fait étrange pour vous. Nous avons appris peu à peu les choses, nous avons appris à évoluer. Et il ne faut d'ailleurs pas en vouloir aux gens qui, eux, n'ont pas évolué, qui sont restés fidèles à leur passé, qui ne peuvent pas bouger. Tandis que vous arrivez en 1970, 72, 73, je ne sais pas, et vous arrivez comme ça dans une vision théâtrale extrêmement nouvelle, extrêmement différente, et qui doit vous paraître beaucoup plus naturelle, si je puis employer ce mot, et à nous, n'est-ce pas ? Pour moi, je n'ai jamais vu ni une mise en scène de Villard, ni vu Gérard Philippe, mais j'ai eu la chance d'être lyonnaise et de voir Planchon. Enfin, c'est les premiers spectacles que j'ai vus, à part Les Célestins, où j'étais abonnée avec le lycée, et où je m'ennuyais à mourir. Et je me souviens même avoir fait des choses affreuses, de lancer des petits bouts de papier depuis le premier balcon. Et après, j'ai vu Planchon, et là, j'ai vu autre chose. Quel est le premier spectacle de Planchon, par curiosité ? Les Shakespeare de Planchon. Les Henri IV. Falstaff, Henri IV, oui, c'est ça. Mais c'est déjà assez vieux. C'est ça. Vieux, c'est vieux. C'est, vieux. Ça. Ouais, ouais. C'est avec reprise, le lycée. Avec le lycée, non oui, avec le lycée. Oui, à la reprise, parce que lycée, Henri IV, c'est par quoi a commencé le théâtre de la cité. Oui, c'était l'ouverture de l'Urbane en 58. Et puis, il y avait le petit théâtre du Cotillon qui était fascinant parce que c'était un petit lieu merveilleux. On pouvait aller l'après-midi aussi, on pouvait se mettre derrière en haut des marches, il y avait 100 places. Et pour vous, donc, le théâtre, c'était cela. Oui, c'était cela. Je sentais la différence, je la sentais, oui, effectivement, bien sûr la différence, oui. Mais j'avais envie de faire ça. Comme nous, d'ailleurs, sentions la différence entre Villard et la Comédie française d'alors, par exemple. Et vous, Nada Asrancard, quel est votre... Moi, le premier spectacle en fin de théâtre que j'ai vu, c'est Electre. Electre de Vitesse, oui. Ah oui. Mais c'est Electre qui a déterminé votre vocation théâtrale. Alors, et qui a déterminé mon choix, en fait... mon changement de classe au conservatoire. Ah oui. Ah, mais vous étiez déjà au conservatoire quand même. Oui. Étiez au conservatoire et vous ne voyiez pas de spectacle. Vous étiez entre si, au conservatoire. Mais je veux dire des spectacles, de véritables spectacles de théâtre, enfin, comme je les pressentais, non. C'est surtout Electre qui m'a le plus frappé. Je ne parle pas de choses dont vous parlez beaucoup mieux que nous, mais j'ai eu un sentiment de comédienne par rapport à ce qu'Antoine avait fait sur les miracles. Je n'avais jamais vu aucune répétition, je n'ai vu qu'une fois le spectacle. J'ai eu l'impression d'un hymne aux comédiens dans ce spectacle. Et j'ai eu envie, je l'ai dit tout de suite après Antoine, j'ai dit c'est merveilleux parce que le jour où tu changeras de distribution, tu trouveras des tas d'autres choses et ça sera formidable, encore mieux. Et que c'était nourri par le comédien aussi. Et c'était la première fois que je le ressentais aussi fort dans un spectacle d'Antoine. Ce qu'elle dit, en effet, me touche beaucoup parce que là est d'ailleurs le nœud de la question, enfin, et de la réponse en ce qui concerne les miracles et sa difficulté qui n'est, à mon avis, qu'apparente. C'est-à-dire que je pense qu'en réalité, c'est un spectacle qui est un spectacle tout à fait simple et qui pourrait être un spectacle extrêmement, comme on dit, populaire. Mais j'ai fait une erreur dans ce spectacle. J'ai fait une très très grosse erreur, c'est-à-dire que ce spectacle est un faux spectacle de grande forme. C'est-à-dire qu'en réalité, Georges Apergis et moi, nous sommes arrivés à la même conclusion au bout de quelques jours de représentation, c'est que ce spectacle devrait être un spectacle de 4 heures, dont on pourrait ne jouer que 2 heures, qu'une heure, qu'une demi-heure, que 3 heures, jouer en plusieurs fois. Mais est-ce que ce spectacle devrait se jouer sans scène? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu? Moi, j'ai été... C'est une des raisons de mon malaise devant les miracles. J'avais un sentiment extrêmement désagréable d'être bloqué dans mon fauteuil devant quelque chose qui ne peut pas bouger. L'idée qu'on avait eue avec Raphaël et Apergis, alors, qui était l'idée d'une espèce de partition permanente qui n'a malheureusement pas pu se réaliser, cette idée-là, et je continue à la trouver bonne et je suis certain qu'un jour on l'utilisera. C'est une idée géniale, à mon avis. Une idée profonde, c'est pas, qui concerne bien au-delà de ce spectacle. Enfin, il s'agit de bien autre chose que de la mise en scène d'un spectacle et d'une astuce de mise en scène. C'est une idée profonde de Michel Raffaelli dans le rapport entre l'écrit et le jeu. C'est une idée très profonde. Mais j'ai glissé et, à mon avis... j'ai abouti à un spectacle qui, si on l'avait joué au milieu des gens, si on l'avait joué dans le système du théâtre des quartiers que j'ai expérimenté par ailleurs à Ivry et à Nanterre, vous savez, eh bien, je suis sûr que ce spectacle aurait une toute autre signification et que ce qui semble difficile à comprendre, à ce moment-là, ne le serait plus. Je suis certain que c'est un spectacle qui n'est pas très très difficile. Je le referai, le spectacle. Je le referai, c'est une des choses auxquelles je suis le plus attaché. Antoine Vitesse, vous avez parlé à l'instant de votre action théâtrale dans les quartiers d'Ivry. Il faut préciser, en effet, pour les personnes qui ne sauraient pas exactement ce que vous faites, nous avons évoqué votre activité de professeur au conservatoire et de professeur à la fois franc-tireur et en même temps triomphant. Nous avons évoqué votre travail de metteur en scène, mais il y a aussi une activité qui, je crois, vous tient très très à cœur, qui est une activité d'animateur et d'animateur de théâtre de banlieue. Cette année, en 73-74, vous avez été co-directeur du Théâtre National de Chaillot, et je crois que vous y avez renoncé, justement, pour vous consacrer plus entièrement à ce théâtre des quartiers d'Ivry. Et je voudrais que vous nous disiez un peu ce que c'est que cette organisation. C'est une modeste organisation. Et l'idée première de cela, ça consistait à faire du théâtre dans un lieu où il n'y avait pas de théâtre, où il n'y avait pas d'édifice théâtral, et de convaincre les gens que on pouvait faire du théâtre là où il n'y a pas de théâtre et que où il n'y a pas de salle, de théâtre, et que le luxe du théâtre, le luxe pas au sens péjoratif, mais le plaisir du luxe, le plaisir de cette espèce de volupté de l'acte théâtral, pouvait se créer hors des édifices théâtraux. C'est dans ce sens-là que j'avais fait Electre, qui était un spectacle qui était extrêmement luxueux, si on peut dire, quoiqu'il ne coûta pas tellement cher, mais qui se présentait comme quelque chose d'étrange, enfin, et que, il me semblait que la volupté était d'autant plus grande de voir cette étrangeté, cette différence d'avec la vie quotidienne, de la voir précisément dans des lieux usés de la vie quotidienne, c'est-à-dire un préau d'école ou Moi, je l'ai vu tout de même, Electre, je l'ai vu d'abord à Nanterre, qui était effectivement dans une espèce de préau d'école, mais je l'ai vu dans un endroit qui n'était pas du tout usé, puisqu'il s'agissait de la somptueuse mairie d'Ivry, mais là, ou alors il s'agissait d'un autre contraste, parce que le décor qui était un décor Troisième République, comme ça, avec des plantes vertes, plaques en l'honneur de Maurice Thorez, peintures réalistes, socialistes, etc. Et là, il y avait un contraste tout à fait incroyable, mais il ne s'agissait pas, on ne peut pas dire, d'une vision très normale de l'existence. Non, mais j'éprouve un très très grand plaisir à cette opposition-là. Bon, c'est ça, en gros, l'idée première de faire du théâtre à Ivry, c'est de faire du théâtre en essayant de prouver qu'on peut, on l'a déjà prouvé, vous savez, on l'a déjà beaucoup prouvé, enfin de le prouver de nouveau, de nous le prouver à nous-mêmes, hein, qu'on peut faire du théâtre hors du théâtre et d'une façon non misérable. C'est-à-dire, aussi, de la même manière, il s'agit du théâtre pour peu de personnes à la fois, j'insiste. Et mais alors là, justement, je voudrais me faire l'avocat du diable et vous faire préciser cette question. C'est que vous nous dites que vous faites un théâtre dans une banlieue dans laquelle il n'y avait pas de théâtre, et dont on sait tout de même que Ivry est une banlieue populaire. Or, vous choisissez justement, ce qui n'y a pas un paradoxe, le fait que vous choisissiez de faire du théâtre pour très très peu de gens. Et je regrette, je reviens sur mon adjectif de tout à l'heure, et vous leur présentez un théâtre très difficile. Alors là, il y a quand même, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction d'ailleurs, je ne demande pas seulement à vous de répondre, mais aux autres participants de cette émission présents, c'est-à-dire aussi bien aux jeunes comédiennes qui sont là. Est-ce que ce public d'Ivry, parce que bien entendu, moi je suis allé surtout au général, j'ai vu surtout des gens de Paris, mais quand il y a seulement les gens d'Ivry, comment réagissent-ils et comment la population d'Ivry réagit-elle par le fait que vous n'acceptiez que 100, 150, 200 spectateurs au maximum et que vos spectacles sont conçus uniquement pour un petit nombre de spectateurs? Alors, il y a une question à laquelle il y a une réponse facile et une question à laquelle il y a une réponse difficile. La réponse facile, c'est que le fait de n'accepter que 100 ou 200 spectateurs, loin d'être une gêne, est au contraire une chose très agréable. Pas pour vous-même, je suis sûr. Pas seulement pour moi-même, mais c'est tout à fait évident qu'à Ivry, il y a une grande salle actuellement. Cette salle d'ailleurs doit être un jour détruite parce qu'il y a un plan de rénovation. Il y a une grande salle et quand on fait du théâtre, dans cette salle, vous savez, si on arrive à avoir 100 personnes, 200 personnes, finalement, c'est très bien d'avoir 200 personnes. 200 personnes à Ivry qui se déplacent pour aller voir un spectacle, c'est finalement pas mal. Or, les 200 personnes dans cette grande salle, on a l'impression qu'elles sont, que comme on dit au théâtre, qu'il n'y a personne. C'est-à-dire que finalement, on les culpabilise et on les méprise du fait que les pauvres qui sont venus ne sont pas assez nombreux à être venus. On leur en veut presque de ne pas être plus nombreux à être venus. Alors que dans les petits gradins avec lesquels nous jouons à Ivry, quand il y a même 25 personnes, même 30 personnes, même 50 personnes, eh bien, il y a du monde et on a plaisir à jouer pour eux. Non, et eux-mêmes ont plaisir à se retrouver ensemble. Et non, mais ceci est très, très important. À mon avis, il serait tout à fait faux d'assimiler la notion de théâtre populaire à la notion de théâtre de masse. C'est une chose sur laquelle, justement, l'expérience de Villard est très intéressante et très importante. Il me semble que Villard a eu tendance, mais ça, c'était évidemment toute l'idéologie villarienne, eh bien, il y avait une tentation d'assimiler le théâtre populaire au théâtre de masse. Et on finirait par croire, alors, à vous entendre d'ailleurs, Guy Dumur, que quand il y a 2000 personnes, c'est populaire. Mais pas du tout, on peut avoir 2000 personnes en 10 fois 200 personnes. Ben ça, à mon avis, la réponse facile. Oui, et la deuxième raison pour le théâtre des quartiers d'Ivry. Ben, oui, vous me dites qu'il y a une contradiction. Ben, je reconnais qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire que je reconnais qu'il y a une contradiction entre le caractère des œuvres présentées et, disons, le public auquel les œuvres s'adressent. D'ailleurs, finalement, il ne faut pas non plus considérer le public d'Ivry comme un public exceptionnel et tout à fait ordinaire auquel on prête des sentiments ou une absence de sentiments en particulier. Mais la contradiction existe, l'écart existe, et cette notion d'écart, vraiment, je suis incapable d'y répondre tout de suite. Ça nécessiterait une très très longue discussion. C'est un problème tellement grave, tellement important, cette notion d'écart entre les œuvres et la compréhension des œuvres, que, si vous voulez, prenons rendez-vous pour un autre jour et on discutera de ça. Mais c'est très important. Nous parlerons, bien sûr, de vos prochains spectacles, des spectacles que vous allez monter. Qu'est-ce que vous allez monter, par exemple, cette année? Non, alors là, je vais monter une œuvre d'un auteur contemporain qui s'appelle René Kalisky. Et c'est un auteur belge. Ça s'appelle Le pique-nique de Claretta. Tout à fait grosso modo et bêtement dit, je dirais que c'est une œuvre qui a pour objet la nostalgie du fascisme. C'est-à-dire, vous savez, cette nostalgie, cette mode rétro dont on parle tant. Alors, nous voudrions, par cette pièce, par ce spectacle, en parler. C'est-à-dire que l'objet du spectacle, ce soit précisément la nostalgie. Ah oui, et d'ailleurs, alors, bon, une première chose, Christine Gagneux jouera le rôle... comment on dit, le rôle principal, le rôle titre, non, c'est bête de dire ça. Enfin, elle jouera dans ce spectacle le rôle de Claretta. Il s'agit de Clara Petacci, la maîtresse de Mussolini. Qui réapparaît, Christine Gagneux, qui réapparaît, non c'est une évocation d'elle. À la fois c'est elle et c'est pas elle, enfin, elle parle. C'est une pièce un peu à la, on pourrait presque dire, à la mode pirandellienne, d'une certaine façon. C'est intéressant justement de voir Vitesse monter ça, j'ai l'impression. Moi, ça m'excite beaucoup. Oui, parce que ça fait assez parce longtemps. Parce que ça fait appel là, aux comédiens jouant un rôle. Et là, vous allez jouer sur une vraie scène alors, ou bien, parce que vous parliez de pirandellisme. Non, nous allons jouer à Ivry, d'une part, et d'autre part, nous allons jouer aussi à Bruxelles. Sur un théâtre, là. Sur un théâtre, oui. Enfin, un petit théâtre. Mais quant à Ivry, tout à l'heure, et... nous autres comédiennes, je crois, jouer devant un petit public ou un grand public, il me semble que c'est plus intéressant de jouer à Ivry dans ces conditions-là pour que peut-être les choses, pour que les gens viennent. C'est une première étape, peut-être. Oui, oui. Non, mais je veux dire, le travail de comédienne n'est tout de même pas le même. Non, sûrement pas. Mais je ne crois pas que le plaisir soit différent. Nada Strancard, tout à l'heure, par exemple, disait qu'elle avait été frappée par cette représentation d'Electre. Or, la mise en scène de Vitesse pour Electre était typique de la représentation faite uniquement pour un petit public, c'est-à-dire où la présence immédiate du comédien, et surtout de la comédienne, puisqu'il s'agissait surtout de comédienne, était une chose très très importante. Non, vous l'aviez ressenti comme telle, j'imagine. Oui, enfin, dans l'immédiat, je ne sais pas ce que j'ai ressenti. Enfin, moi, c'est la représentation qui m'a frappée. Je n'ai pas tellement fait attention aux gens qui étaient autour de moi, au nombre de gens qui avaient autour de moi. Enfin. Oui, mais vous étiez très près quand même. Vous étiez automatiquement, obligatoirement très près de ces comédiens. Ouais. Et ça, c'est une chose à laquelle vous êtes sensible, que vous aimez. Oui, mais de jouer devant 3000 personnes, ça ne me dérangerait pas non plus. Enfin, j'aimerais bien, je crois. Je crois que ce n'est pas un problème. Et l'autre projet, alors, vitesse maintenant, parce que nous devons terminer malheureusement. Il y a un projet Gagneux, il y a aussi un projet Strancard. Alors, j'ai l'intention de monter Phèdre. Ah, encore. Oui, mais, parce qu'il y a eu beaucoup de Phèdre cette année. Tant pis. On va clore le circuit. Nous allons monter Phèdre. D'ailleurs, puisque vous avez vu les concours du conservatoire en juin dernier, vous avez vu un petit morceau de Phèdre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'aviez vu en juin 73, il y avait un autre morceau de Phèdre. Malheureusement, je l'ai vu. La même nada. Oui, oui. De sorte que nous avons déjà fait une partie du travail. Je voudrais aussi monter également, au cours de l'année, Mène te promène non pas toute nue. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup dans ce travail sur la farce. Le travail sur la farce, il s'agit ici de la farce bourgeoise, enfin, et d'une certaine manière de regarder la farce bourgeoise et par conséquent de regarder le rire de celui qui rit à la farce bourgeoise. Ah bon, c'est très bon. Et le conservatoire, bien sûr, vous continuez au conservatoire. Oui. Bon, eh bien, je vous remercie. Je pense que nos auditeurs auront un peu une image un peu plus complète du personnage Antoine Vitez et qu'ils iront à tous vos spectacles avec peut-être une plus grande compréhension. C'était Mise en scène avec Antoine Vitez, une émission de Guy Dumur, diffusée la première fois le 8 septembre 1974 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.